sur la latte du cowboy. Moi j'envoie les pigeons dire bonjour à mon combo. Du whisky dans ma compote, mania petit ponette. Moi je traîne avec Batman et je tease avec le Joker. Marécage, strip cousin, la moitié des rappeurs cool. Moi je veux une Golf 4 et ça a l'air à Tiger Woods. Je fais la frite, moi, du mal à l'estomac. Ça effrite de la fraise et roule des blunts au cognac. Y'a des connards qui ont des marteaux et qui se prennent pour connards. Et ceux je mange des carottes, les rappeurs se prennent des tomates. La vie je veux l'exploser avant la cirrhose du foie. Mais je mets de l'alcool dans mon sirop le soir, je traîne. Gros dire, je suis pas prêt ou peut-être pas pressé. Je sais pas, y'a du marécage dans toute ma dizaine. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Y'a du cancer dans ma voix, on de mesure sur mon pluvard. Une bouteille sous mon plumard, et en ma raison n'est plus âge. Chez moi, y'a des crocos, des poulets, des pumas. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Y'a du cancer dans ma voix, on de mesure sur mon pluvard. Une bouteille sous mon plumard, et en ma raison n'est plus âge. Chez moi, y'a des crocos, des poulets, des pumas. J'aime toujours aux mêmes adresses, moi. Moi je suis tard comme la peste. Quoi? Quand je rentre chez moi, j'entends c'est pas la fête. C'est le pédo qui fait tourner ma tête, man. DJ Twista, marécage, street pour faire cramer ma espèce. Pour la journée, on a déserté le mail. Pour la vider le bain. Man, presque un an qu'on a ouvert le bal. Pour l'instant, y'a même pas de quoi payer un resto. J'pense à mes créanciers, alors pas de baseball. Merde, des problèmes trop lourds pour nos épaules, mon pote. On arrose ça à la vodka Red Bull. On va casser la vitre ou faire griller la glace. Faire crier la masse pour avoir plus qu'à trier la maille. Dans ma tête ça martèle. Plein des qui se laissent par terre, man. J'rappe en studio et dans les parcs. 0-5 absolute, nous on a pas le juice. On est pas dans le journal, appelle-nous pas tous. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Y'a du cancer dans ma voix, 32 mesures sur mon plus bas. Ok, ok, souvent nos 13 on est plus là. Chez moi, y'a des crocos, des poulets et des pumas. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Y'a du cancer dans ma voix, 32 mesures sur mon plus large, traction sous plus marre. Souvent la raison n'est plus là. Chez moi, y'a des conquis, des épaves et des pirates. Faites un œil, y'a les poufias et les gars de la rue, le commissaire. On l'emmerde. Salut mon spies en garde à vie. Aujourd'hui tout se négocie. Et tous les doigts s'enfuient. Pour une thune, ça s'enfuit. Dans la merde, on s'en fout. Moi je meurs sur une corderette. J'utilise pas de gilet, tu réserves. Un purple près des chaussettes. Un poids près des orteils. Dans ma parcelle, ça investit dans le choc et la graisse. Artiste de l'ammoniaque, sec. Arrose les plantes en graisse. Sous les couches, j'brûle du shit tous les jours. Toujours les tout lors du mort à ma main sur ta joue. Le shit de Marrakech et la beuh d'Amsterdam. C'est pas les marécages ou la vie des pétards. J'traîne avec la cible, la fourberie dans nos vestiaires. J'abuse des cocktails, je prends des anges à des crochets. Des poulettes progéniques dans les Mercedes. On tire les cloches et de la fée. Passe les stupes et sur par la tête. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Du cancer dans ma voix, deux mesures sous mon plumard. Une bouteille sous mon plumard. Et hop la raison n'est plus là. Chez moi, y'a des crocos, des poulets et des pumas. On est sur le fil du rasoir, on a la tête dans les nuages. Du cancer dans ma voix, deux mesures sous mon plumard. Ok, ok, souvent la raison n'est plus là. Chez moi, y'a des coquets, des épaves et des pirates. Gage, DJ Twist. Production marécageuse, quoi. Cache-lui.